Moi qui pensais un beau jour crever comme un mec sensible, incompris. Tu fus une merde doublée d'un taré qui perdait tout, même ses amis. Le rock m'a souri, ça fait oh oh oh oh oui. J'ai enfin réussi. Je crie car j'y suis arrivé. Du pain pour des sardines. Du pain pour des sardines. Du pain pour des sardines. Du pain pour des sardines. Du pain pour des sardines. Est-ce honteux ou bien est-ce mérité de se nourrir de sa passion? Mon passage sur terre sera sous cachet de chanteur et de dépression. Toi tu es parti, mais ça fait oh oh oh oh oui. J'ai enfin réussi. J'ai enfin réussi.